Chapitre 2. Le lendemain. Celui dont l'arrivée avait piqué la curiosité de M. Delille, Jacques Duhou, était réveillé par le tumulte matinal de l'auberge de Pitoiset. Cette maison, l'unique hôtellerie d'Aubrive, n'était pas précisément le temple de la paix. Le tintement des verres, les propos des buveurs, les aboiements des chiens, se mêlant à la voix stridente de l'hôtesse, y faisaient un vacarme des moins réjouissants. Le nouveau garde général n'y put tenir et, s'habillant à la hâte, chercha un refuge sous une allée de tilleuls située en face de l'auberge et bordée par deux bras de l'Aubette. Cette avenue, appelée dans le pays la promenade entre deux eaux, reliait les maisons du village à l'ancienne abbaye d'Aubrive. Elle était dominée d'un côté par le moulin et le jardin en terrasse de la maison des Corderies. Le brouhaha ne convenait guère au goût studieux de Jacques Duhou. Au sortir de l'école forestière, ayant eu la chance d'être nommé stagiaire dans sa ville natale, il n'avait quitté sa famille que pour faire une excursion scientifique à travers les forêts de l'Allemagne. Le train de vie de l'auberge contrastait trop complètement avec les calmes et méthodiques habitudes de la maison de son père, pour qu'il ne se sentît point dépaysé et désorienté. La vue de la verdure et le murmure de l'eau le rafraîchirent un instant et rassérénèrent un peu ses idées. Cependant, en cheminant sous les tilleuls, son cœur se serra de nouveau, et les détails familiers qu'il observait çà et là ravivèrent la tristesse nostalgique dont il souffrait. Les pièces de toile étendues au soleil dans la prairie du moulin lui rappelaient sa petite ville et les préoccupations de sa mère au temps des lessives. L'aspect des vergers en fleurs évoquait le souvenir du jardin où ses sœurs venaient l'après-midi broder auprès des framboisiers. Il errait ainsi en proie à tous ses souvenirs, sans se douter qu'au même moment, il était l'objet d'un espionnage minutieux. Mademoiselle Delille l'avait aperçu du haut de la terrasse des Corderies et avait sur le champ deviné dans ce promeneur étranger le nouveau forestier signalé par son père. Caché derrière un noisetier déjà feuillu, elle l'observait d'autant plus curieusement qu'il ne répondait en aucune façon au personnage que son imagination avait créé de prime saut. Jacques Duhou n'était pas beau, mais ses traits irréguliers, à la fois énergiques et sévères, ses yeux enfoncés sous l'orbite, son front large, lui donnaient une physionomie mâle et accentuée. Dans ce jeune homme alerte, robuste et de fière tournure, on devinait un caractère et une volonté. Il marchait rapidement, les mains dans les poches de sa tunique verte et le front légèrement incliné. Tout à coup, il secoua la tête comme pour chasser une pensée obsédante, puis il disparut dans la direction de l'auberge. Il ne voulait pas se laisser envahir par la mélancolie. Un homme d'action, il tenait la rêverie pour une occupation inutile et malsaine. Afin de la combattre, il s'était décidé à partir en forêt et à faire connaissance avec les gardes de son triage. Une demi-heure après, il s'engageait dans les grands bois montueux qui s'étendent entre Aubrive et Vivet. Il ne s'était pas trompé en supposant qu'une longue course suffirait pour établir en lui l'équilibre moral. La vue seule de la forêt l'avait guéri. Fils et petit-fils de forestier, il aimait son métier avec passion. La solitude des bois, où la vie circule à petits bruits, plaisait à son cœur. Il y trouvait l'attrait d'une action incessante et féconde se développant dans une atmosphère silencieuse. La forêt n'est jamais muette, et cependant elle donne une impression de silence et d'apaisement. Au bout de 100 pas, Jacques se sentit ragaillardi, retrempé. Il franchit d'un pied joyeux le ruisseau de Vivet et gagna une vaste clairière qui porte le nom de la Planche aux Vachers. Déjà, il foulait allègrement la pelouse élastique du pâti inondé de lumière, quand il vit déboucher du bois un grand garçon vêtu d'un paletot noisette, ayant le nez plongé dans un livre et faisant de larges enjambées. Ce promeneur excentrique, parlant à voix haute et gesticulant, s'avançait vers le garde général sans le voir. Dans ce pâti écarté, une pareille rencontre était peu commune. Jacques s'arrêta pour examiner l'enragé liseur. Lorsque celui-ci fut à 2 pas, il releva la tête et poussa une retentissante exclamation. « Jacques Duhou, c'est donc bien toi ?»« Évonime !» s'écria Jacques, qui reconnut alors son ancien camarade de collège. Il y avait 10 ans qu'ils ne s'étaient vus. Ils se serrèrent les mains et s'accablèrent de questions à propos du temps passé, des amis disparus, des châteaux en Espagne écroulés. « Ça, qu'es-tu devenu ?» demanda Jacques. « J'ai cherché bien des fois ton nom dans les journaux. Je te croyais lancé en plein dans la littérature. » Évonime secoua mélancoliquement la tête. « Oui, soupira-t-il, je donnais des promesses. La chrysalide était jolie, mais le papillon a sottement avorté. Avec le goût des lettres, la fée qui vint à ma naissance m'avait doué d'un penchant trop prononcé à la paresse. Une fois sur la pente, j'ai doucement dégringolé jusqu'en bas. « Je m'en console avec mes livres, » dit-il en frappant sur la reliure d'un volume de Montaigne, « et puis je vis heureux ici, en tête-à-tête avec ma rêverie. Les oiseaux et le vent sont mon orchestre et je danse avec mon imagination. Je sais bien que je suis ridicule, comme un vieux valseur à barbe grise, mais la danseuse prétend que non. » Elle me murmure à l'oreille que les poètes qui chantent en public sont les moins émus et les moins sincères. Jacques riait. « Et toi ?» ajouta Hibonime en serrant de nouveau la main de son ami. « Oh, moi !» répondit celui-ci. « Ma vie est bien simple. Le programme que je me suis tracé à 20 ans est prosaïque comme une formule d'algèbre. Je l'ai suivi pourtant et j'espère lui être fidèle. J'aime passionnément mon métier et jusqu'à présent, j'ai plus vécu avec les arbres qu'avec les hommes. Mon unique ambition est de prêcher le reboisement de nos montagnes. Un pays qui n'a plus de bois est un pays sans avenir. Je veux travailler ferme, pendant 1 ou 2, puis me faire nommer chez moi et n'en plus sortir. Là, j'épouserai une douce et simple fille que ma brave mère convoite déjà pour moi et j'écrirai un livre sur la sylviculture. « Tu te marieras !» s'écria Hibonime, devenu songeur. « Je me demande parfois si je ne devrais pas en faire autant. Je n'ai pas la gloire, j'aurai au moins des enfants, qui me croiraient un grand homme sur ma seule parole, tant qu'il resterait petit. » Ils causèrent encore ainsi pendant 1/4 d'heure, puis se séparèrent, non sans qu'Hibonime eût fait promettre à Jacques de venir le lendemain déjeuner avec lui à la ferme de Val-Clavin. Le soir du même jour, Hibonime alla passer 1 heure aux corderies. Monsieur Delisle était absent. Il trouva Antoinette qui se promenait le long des noisetiers de la terrasse, et lui conta sa rencontre avec Jacques. « C'est toujours, dit-il, le même garçon que j'avais connu au collège. » Austère, honnête, loyal, animé d'une volonté qui m'effraie. Il vient déjeuner demain chez moi, et je me réjouis de causer longuement avec lui. Et de lui lire votre journal au dessert, répliqua Antoinette en riant. Elle fit quelques pas, puis se retournant brusquement vers Hibonime. Je serais curieux de le connaître, votre puritain. Ne me l'amènerez-vous pas? Hibonime prit son air ébahi. Quelle idée! Jacques accueillerait probablement une pareille proposition comme il a reçu les avances de votre père. C'est un sauvage. D'ailleurs, il vous déplairait, et vous ne lui plairiez pas. Et pourquoi ne lui plairais-je pas? Parce que votre caractère est tout l'opposé du sien. C'est-à-dire que je suis inepte, étourdi et frivole. Grand merci. Hibonime essaya de se tirer d'embarras en expliquant que son ami était très farouche et qu'il fuyait à la société des femmes. Mais tout cela ne fit qu'irriter la curiosité d'Antoinette. Elle insista de nouveau pour connaître le forestier, en ajoutant d'un air espiègle qu'elle ne serait pas fâchée de tourner un peu la tête à ce vertueux grandisson. Alors Hibonime, impatienté et poussé dans ses derniers retranchements, finit par répondre qu'elle perdrait son temps et que Jacques était déjà fiancé dans sa ville natale. « Une fiancée !» s'écria la jeune fille d'un air dédaigneux. « Une provinciale aux mains rouges, qui fait des confitures et brode au tambour. À merveille, il est complet, Jacques le ténébreux. « Eh bien, mon ami, si je voulais m'en donner la peine, malgré son austérité, sa science et sa fiancée au grand pied, je ne demanderais pas 8 jours pour le rendre amoureux et lui faire suspendre des madrigaux à tous les arbres de la forêt. » Hibonime sourit d'un air incrédule. Antoinette, que l'opposition irritait, se piqua au jeu et déclara qu'elle tenterait l'aventure. « Je serais curieux, dit Hibonime, de savoir comment vous vous y prendrez pour rendre amoureux un garçon que vous ne rencontrerez nulle part, et qui ne viendra certes pas vous faire visite. Qui sait, vous me l'amènerez un de ces jours, je m'en garderai bien. Alors je le verrai ailleurs, je vous en défie. Vous m'en défiez ? Antoinette s'arrêta toute frémissante et une flamme passa dans ses yeux. Je le verrai pas plus tard que demain, voulez-vous parier ? Parier quoi ? Dit Hibonime en riant de son grand rire, qui redoublait l'irritation nerveuse de la jeune fille. Si vous perdez, répondit-elle, vous me donnerez ce volume de Musset. Que vous m'avez toujours refusé. Ah, vous m'en défiez, nous verrons bien. Et brusquement, elle quitta la terrasse en laissant Hibonime stupéfait. Le lendemain, Antoinette, silencieuse et agitée, allait venait par la maison sans pouvoir tenir en place. Monsieur Delisle, parti dès lors pour la foire de Grancey, ne devait rentrer qu'à la nuit. Elle déjeuna rapidement sur un coin de la table de la cuisine, puis jetant sa serviette. « Céline, » dit-elle d'un ton câlin, « si tu étais bien gentil, tu chausserais tes bottes de 7 lieues et nous irions faire un tour dans les bois. » Céline eut beau objecter qu'il allait pleuvoir et qu'elle ne mettrait pas les pieds dehors. Elle finit par plier devant les caprices de son enfant gâté et alla s'habiller. Antoinette se précipita dans sa chambre, boutonna ses guêtres de coutil, se coiffa d'un petit chapeau rond de feutre gris et reparut enveloppée dans un coquet paletot de drap, dans les poches duquel elle enfonçait ses mains d'un air cavalier. 5 minutes après, elle marchait dans la direction des bois du Val-Clavin, traînant victorieusement à sa suite la pauvre Céline, qui protestait encore en montrant les nuages sombres et en contant de tragiques histoires de fluxions de poitrine. Le temps, à la vérité, n'était guère engageant. Il avait plu pendant la nuit, la route était détrempée et les bois étaient mouillés. Céline poussait des soupirs chaque fois que son pied glissait dans la terre boueuse ou que sa robe s'accrochait aux ronces. Antoinette lui répondait par un éclat de rire et poursuivait sa promenade en cueillant de ci et de là des pervenches et des gerbes de graminées. « Sainte Vierge, ma petite fille, de quel train tu vas ?» s'écria Céline essoufflée. Pour comble de malheur, les nuages suspendus au-dessus de la forêt crevèrent brusquement et une averse se mit à tomber. « Je te l'avais bien dit !» gémit Céline. « Retournons !»« Cela n'est rien !» répliqua Antoinette. « Prenons sous bois, les feuilles nous garantiront !» Elle quitta bravement le sentier et s'enfonça sous les arbres. Elle allait droit devant elle, comme si elle eût suivi un plan tracé d'avance. Les feuilles à demi dépliées ne faisaient guère obstacle à la pluie qui ruisselait sur les deux promeneuses. Tout à coup, le bois s'éclaircit, on entendit des coqs chanter, et en atteignant la lisière, elles virent à leurs pieds une combe verte au milieu de laquelle s'élevaient les murs gris et les toits d'une ferme. « Nous voilà dans un bel état !» s'écria Céline en secouant ses jupes mouillées. « Qu'allons-nous faire ?»« Une chose bien simple, » répondit Antoinette. « Voici là-bas la ferme du Val-Clavin. Nous allons y descendre et demander l'hospitalité à Ébonyme, qui s'empressera de mettre un fagot au feu pour nous sécher. » Céline se récria. Ébonyme avait annoncé la veille qu'il avait le garde général à déjeuner. « Que penserait ce monsieur en voyant arriver Antoinette et sa bonne, faites comme deux bohémiennes ?»« Ce monsieur, dit Antoinette, pensera ce qu'il voudra. » Tout en prononçant ces mots d'un ton bref, elle sortit résolument du bois et, sans pitié pour les blés verts d'Ébonyme, elle marcha droit à la ferme. Céline la suivait clopin-clopant. Antoinette traversa la grande cour sans se soucier des gloussements de la volaille effarouchée et des regards ébobis de la fermière. Puis, d'un bond et comme pour sauter le temps de la réflexion, elle s'élança vers le logis d'Ébonyme, où elle entra violemment, la tête haute, le cœur bondissant et les bras serrés contre sa gerbe de fleurs mouillées. Les deux amis achevaient leur café et fumaient près d'un feu à demi éteint, tandis qu'en face d'eux, la fenêtre ouverte laissait voir la combe verdoyante et les bois vaporeux. À l'aspect d'Antoinette, Ébonyme bondit sur sa chaise. Jacques se leva, déposa son cigare et regarda d'un air intrigué son ami et la jeune fille. « Comment c'est-vous ? » s'écria enfin le maître du logis. « Oui, c'est moi, » répondit-elle d'une voix un peu étranglée par l'émotion. « Vous me devez un Musset, mon cher Ébonyme. Je vous ai dérangé. Monsieur voudra bien m'excuser. » Jacques s'inclina silencieusement et ses yeux noirs se fixèrent curieusement sur cette étrange apparition. Antoinette, au milieu de la salle, son bouquet à la main, l'œil brillant, la joue humide, gardant encore dans ses cheveux et sur sa robe les traces du ruissellement de l'ondée, avait l'air d'une naïade. Ébonyme ne disait mot et semblait confus et ennuyé. Il y eut un moment de silence pendant lequel on entendit distinctement le chant des alouettes dans les blés. Antoinette, qui sentait son aplomb l'abandonner, voulut payer de hardiesse. « J'avais projeté une promenade dans les bois, » balbutia-t-elle en essayant de sourire. « La pluie nous a surprises, alors j'ai eu l'idée... » « C'est-à-dire, Céline s'est mise en tête de se réfugier ici. » Le regard de Jacques fixé sur elle la déconcertait. Les traits du forestier s'étaient rembrunis en écoutant la peu vraisemblable histoire débitée par Antoinette. Elle l'examinait à la dérobée et lisait sur cette figure sévère une pensée de désapprobation. Elle ne put achever sa phrase et se retourna vers Céline pour cacher son embarras. « Allons, » dit Ébonyme, qui riait sous cape et qui eut pitié d'elle, « venez vous sécher toutes deux, et une autre fois, consultez votre baromètre, quand vous voudrez vous risquer dans les bois du Val-Clavin. » Le ton de commisération railleuse dont ces derniers mots étaient accompagnés exaspéra Antoinette. Subir la compassion d'Ébonime devant cet étranger, devant M. Duhou, c'était trop. Le regret de sa folle équipée, mêlé au sentiment d'une secrète humiliation, réveilla ses nerfs irritables. « Merci, » fit-elle en se redressant fièrement, tandis qu'un éclair de dépit allumait ses yeux. « Je ne suis pas mouillée, et je ferai mieux de rentrer. Partons, Céline, le temps s'est éclairci. »« Il pleut à verse, » s'écria Céline, consternée. « Non, non, » reprit-elle précipitamment, « partons. » Sans saluer Jacques, qui continuait à la regarder flegmatiquement, sans écouter les objurgations d'Ébonime, qui la suppliait de rester, elle entraîna Céline et disparut à travers la pluie battante. « Voilà une étrange petite personne, » dit Jacques à Ébonime qui refermait la porte. Le forestier s'était remis à fumer et se promenait de long en large. « C'est la fille d'un de mes amis, M. Delille, une enfant gâtée et élevée à la diable dans un pensionnat de Paris. Mais il ne faudrait pas la juger sur les apparences. Je t'assure qu'elle a un bon cœur et une excellente nature. » Et le brave Ébonime se mit en devoir d'énumérer toutes les aimables qualités d'Antoinette. « Oui, » dit Jacques. « Une demoiselle à la mode. C'est un genre de femme que je n'aime pas et qui me fait peur. » »«